J'aime quand tu pleures, j'aime aussi quand tu as peur. J'aime, j'aime quand tu cries, j'aime aussi quand tu souris. J'aime tout de toi. J'aime, j'aime quand tu bois, j'aime aussi quand tu me vois. J'aime, j'aime quand tu t'agites, j'aime aussi quand tu hésites. J'aime tout de toi. J'aime.